C'est comme un ami, il faut lui parler. Non, l'astral, c'est de l'astral. Il faut lui parler. Mais ça n'a rien à voir avec l'ami. L'astral, c'est un disciple. C'est un exécuteur. C'est pas un ami. C'est sûr qu'il faut y parler. Non, c'est une blague, là. Mais c'est pas grave. Il faut plusieurs. C'est le genre de blague que tu fais, toi, sont souvent supportées par... Par l'astral? Par des parties de ta psychologie. Tu t'as arrêté. Seulement quand on était entre nous deux. Bon, oui. Mais c'est ça, bon, tout à l'heure, tu expliquais qu'il arrive des choses, l'exemple là, de la télévision, là, puis il y en a d'autres que je connais. Et puis là, ce qui arrive, c'est mettre un frein, finalement, à toutes ces manipulations-là, qui fait que l'astral, parce que peut-être aussi c'est l'intelligence, mais en tout cas, des mécaniques, un ou l'autre, l'astral, l'intelligence, qui font qu'on te pousse d'un point, puis là, ben jusqu'à temps que tu te défendes, on dirait. C'est parce que l'être humain est toujours à son meilleur quand les choses sont à leur pire. Et tant que l'humain continue à fonctionner comme ça, l'humain attend toujours que tout aille mal pour commencer à foncer. Les compagnies commencent à innover quand ils perdent des clients. Les stations radiophoniques ou de télévision commencent à innover quand ils perdent des auditeurs ou auditrices. Les familles, quand est-ce que les parents commencent à s'occuper de leurs enfants, c'est quand ça commence à aller mal? Quand est-ce que les gouvernements commencent à s'occuper des problèmes des populations, c'est quand ça va mal? Là, on va s'occuper peut-être, pour prochainement, du suicide infantile. On a le plus haut taux de suicide au monde, puis du décrochage scolaire, on a le plus haut taux de décrochage au monde. Peut-être, parce que c'est peut-être pas encore assez qu'on ait 50% de décrochage, puis de 7 à 8 suicides par jour. À un moment donné, c'est évident qu'ils vont s'en occuper parce que ça va aller mal. Bon, c'est toujours la même chose, on s'occupe quand ça va mal, ben c'est évident. L'humain est à son meilleur quand les conditions autour de lui sont à leur pire. Et tant que l'humain continue à fonctionner de cette façon-là, c'est pour ça que je te parle d'entropie. L'humain recherche l'entropie, l'humain recherche la stabilité. Et c'est le maudit problème au niveau de toutes les spiritualisations des visions de l'ère nouvelle. C'est toujours la stabilité qu'on offre aux gens. La paix, l'amour, et puis la rose, bon, la stabilité. Dans la stabilité, il y a uniquement la mort. L'être nouveau, c'est un être qui est totalement déstabilisé, mais qui est totalement solide dans sa constitution. C'est un être qui est en équilibre instable. Donc, il est équilibré, mais c'est instable. Donc, c'est en mouvement, c'est en vie, vers le neuf. La stabilité, ça fait nécessairement partie de la mémoire. Bon, là, il y en a fait, je comprends pas. Ah ben, s'il y a juste une chose que tu comprends pas, c'est pas mal. C'est que, je reviens à l'exemple tout à l'heure, la psychanalyse que tu me faisais, là. Ben, je te psychanalysais pas. Sigmund, il... Comment? Sigmund Freud. C'est le... Okay. Le premier qui aurait dû être psychanalysé. Est-ce que... Parce que là, dans tous les individus que je connais, en tout cas, il y a l'ego, puis souvent, ou peu, mais en tout cas, à l'occasion, l'intelligence... Oui, quoi? Ouais, l'intelligence... Ça n'arrivait pas. Donc, dans l'intelligence, c'est là. Connais, il y a de l'ego puis de l'intelligence. C'est ça. Mais ce qui arrive, c'est que du moment que l'ego prend de la place, l'intelligence se laisse pousser facilement. Ben oui. Sans aucune opposition. Officielle. Mais, c'est ça que je comprends pas. Tu comprends pas comment ça se fait que tu as de la difficulté à être le boss, le maître. Ça dépend à qui tu parles. Je parle à toi. Moi, je parle toujours à toi. Fait que tu sais plus, c'est ça. C'est que tu sais qui je suis alors que moi, je sais pas trop. Mais c'est sûr que tu peux pas le savoir parce que ça nuit à ton ego. L'intelligence se laisse repousser uniquement parce que l'humain, puis ça, l'humain ne peut pas rien faire pour que l'intelligence soit plus là. Ce que l'humain peut faire, c'est que sa conscience ne s'efface pas. Mais oui encore, la problématique, c'est que la conscience n'entraîne pas de libre-arbitre. Ce n'est pas parce que l'humain a de la conscience que l'humain va développer du libre-arbitre. Et là, toi, il y a une problématique là-dedans. T'es conscient, puis là, l'astral, qui lui est manipulé et qui lui a les voies motrices du corps physique, va bouger des choses, te faire dire, te faire penser, parce que la pensée est astralisée, et te faire faire des actions particulières. Même si ton intelligence, ta conscience, l'intelligence qui rentre de la conscience, si tu as la conscience de ce que tu devrais faire alors que tu remarques que tu fais totalement l'inverse, l'intelligence n'a pas été repoussée. La problématique, c'est que dans ton cas, dans le cas de plusieurs, C'est que l'intelligence, elle est repoussée uniquement parce que tu n'es pas capable encore de faire de distinction radicale entre ce que toi tu es dans l'intelligence et toutes les mémoires de ce que tu es au niveau de l'astral. Parce que tu n'arrives pas encore à faire de distinction, tu as toujours l'impression que subitement l'intelligence vient d'être repoussée. Mais tu te places toujours, toi, comme étant l'être qui est investi d'astral, investi d'intelligence, mais qui est rien. Toi, tu t'identifies toujours au véhicule. Donc au corps physique, au corps vital, au corps astral, au corps mental, au corps supramental. Tu t'identifies au corps. Tu ne t'identifies pas à ce qui rentre à l'intérieur. Moi, l'intelligence n'est jamais repoussée. Ce qui va arriver, par contre, à un moment donné, c'est qu'il n'y aura pas d'énergie biomotrice suffisamment dynamisée par l'intelligence pour que je puisse, dans l'expression planétaire, faire quelque chose. Mais je suis totalement conscient que je ne le fais pas. Ma conscience, je suis là. Bon. Exactement comme si j'arrive à la tête d'un gros robot, d'un monstre, je suis à l'intérieur de lui, j'ai un ordinateur pour le contrôler. Mais l'ordinateur, lui, il contrôle des choses, mais je dois apprendre le langage. Cet ordinateur-là contrôle d'autres micro-ordinateurs qui contrôlent la main, un pied, un bras. Bon. Alors moi, je commence à travailler avec lui, sauf que tous mes ordinateurs secondaires ont des programmes d'autogestion qui vont leur permettre, par mécanique réflexe, de lire des informations de l'extérieur puis d'agir sans référer à moi. Progressivement, moi, je vais établir des contacts à travers mes micro-ordinateurs qui gèrent les sens, qui gèrent les bras, qui gèrent les jambes, qui gèrent le système de digestion, etc. Les premiers contacts que je vais établir, c'est que je ne suis pas pour me dire, écoute, il faudrait que je lève le bras. Et je vais commencer par me dire, moi, en tant qu'intelligence, il faudrait au moins que je sache où il est, le bras. Avant de savoir qu'il faut le lever, le baisser, le tasser, il faut au moins que je sache où il est. Alors, je programme, puis je vais établir des mécaniques pour expandre ma conscience dans le corps, c'est-à-dire que je vais être capable maintenant d'avoir l'information du micro-ordinateur de l'orientation spatiale du robot. Alors, à un moment donné, bien là, j'ai à l'écran des dessins. Moi, je suis programmé pour qu'il me fasse des dessins. Là, je commence à voir, tiens, il y a le bras comme ça. Bon. Alors, j'aimerais qu'il baisse le bras. Mais là, je ne sais pas comment il fait à baisser le bras encore. Mais je peux maintenant savoir comment il est. Et à un moment donné, bien là, je me dis, il faudrait probablement que je lui fasse baisser le bras. Ah, gars, il lève encore plus le bras. L'astral, c'est-à-dire que les mémoires déjà implantées dans la robotique, dans les micro-ordinateurs, gèrent. À un moment donné, ben, l'ordinateur a besoin d'huile, puis il y a un bras qui va chercher une panne à l'huile, puis qu'il s'en met dessus. Bon. Moi, je me dis, c'est pas cette huile-là qu'il faut qu'il prenne, ça c'est de l'huile de vidange, c'est pas bon, etc. Puis maintenant, je suis conscient de ce qu'il fait. Mais dans la gestion de mon robot, il va continuer à faire ce qui est mémoire d'intervention, toutes les mémoires qui sont engrammées chez lui, l'oblige à faire. Progressivement, quand chaque fois qu'il fait une connerie, je suis toujours là. Moi, je suis informé, donc j'élabore ma conscience. Plus je vais être conscient, plus je vais être conscient. Donc, plus vous êtes conscient, plus vous êtes conscient. Ça ne veut pas dire que plus vous êtes conscient, plus vous contrôlez. Mais plus on est conscient, plus on se frustre. Et là, tu sais ce qui se passe. À un moment donné, tu entends des gros bruits sourds. Et à un moment donné, tu établis des choses, puis là, subitement, tu entends des bruits sourds, puis tu vois ton écran, qu'est-ce qu'il écoute. Le robot se pète la tête, ses murs. Comme ça. Il a appris ça, lui. Quand ça ne faisait pas son affaire, il se tapait la tête, ses murs. Bon. Alors là, tu trouves ça niaiseux, tu es frustré. À un moment donné, tu vas établir un programme, tu vas être capable de contrôler l'un des micro-ordinateurs. Là, tu commences à transformer ta conscience, pas transformer, tu commences à descendre en plus de la conscience, de la volonté. Mais la volonté, c'est pas le vouloir. La volonté, c'est la capacité de motricité des choses au niveau de tous les plans. Donc, des plans planétaires, entre autres, évidemment. Alors, à un moment donné, je contrôle le micro-ordinateur qui fait en sorte de te tirer, par exemple, sur le sternocleidomastoïdien, puis me tourne la tête pour me la frapper sur un mur. J'arrive à annihiler ça. Parfait. Puis là, ben là, ça y est, je le contrôle, je me tape plus la tête sur les murs. Là, je prends un livre, puis je me tape sur la tête à la place. Là, je me dis, tu vois, je suis encore fourré. Non, comprends la mécanique. Tu es en train progressivement d'instaurer un royaume, une volonté d'intelligence à l'intérieur de ton corps. Lentement, tu es en train d'établir les structures, tu es en train de prendre le contrôle sur les voies d'expression thalamienne, hypothalamienne. Tu es en train progressivement d'éliminer les vecteurs qui amenaient les informations mémoire, donc à l'astral, et progressivement, ils viennent à ton réseau, à toi qui es la conscience. Puis progressivement, tu prends le contrôle du corps. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a l'ego qui est là, qui habite, qui règne finalement. Oui, mais l'ego, c'est de la mémoire. Ce n'est pas un être de l'ego. Ton problème, c'est chaque fois que tu dis, lève le bras. Clic, clic, clic, clic, clic, lève le bras. Là, il se met à sauter. Tu dis, comment ça fait que je le fais sauter? Tu l'as pas fait sauter. C'est ça qu'il faut que l'humain arrive à discerner. Okay. Je ne l'ai pas fait sauter. C'est le il jeu. Saute, là. Il saute, là, il saute, mais je ne l'ai pas fait le sauter. Le jeu, tu l'attribues à l'intelligence et non à l'ego. Ben oui, je, c'est moi, c'est l'intelligence. Et ça se met à sauter, je saute. Je ne peux pas sauter. Donc, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Il y a une manipulation, il y a un vecteur que je ne suis pas encore parvenu à dissocier, bon, à déconnecter. Parce que moi, ce que je vois, c'est que l'ego est là, va demeurer là. Et puis, c'est que l'intelligence va manipuler l'ego à faire ce que l'intelligence décide qu'il soit fait. Bon, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu programmes une structure pour obliger l'un des micro-ordinateurs, qui est l'une des parties de l'astral, pour l'obliger à faire ce que tu veux. Les premières choses que lui-même, que l'intelligence va faire, ça va être de dire à l'ego, par exemple, vous voulez que sa main se baisse. La première chose que nous, on apprend à faire, c'est de pirater les informations. Donc, c'est d'informer l'ego. On appelle ça de l'instruction d'ego. Alors, moi, je vais dire, je veux qu'il baisse le bras. Mais je ne sais pas comment il fait baisser le bras. Alors, je vais envoyer une information au micro-ordinateur qui gère les muscles des bras. Et je vais lui dire, ton bras est au-dessus de la tête. Le bras, il est là. Alors, lui, pensant que le bras est en haut de la tête, il veut mettre le bras à ce niveau-là, automatiquement, il baisse le bras de 90 degrés. Il l'a aussi voulait. Parce que lui, tu as dit, il est là. Il l'a baissé à 90 degrés. Mais vu que son bras part horizontalement, ben, il baisse à 90 degrés pour le mettre horizontal. Mais il vient de camper dans l'information. Et ça, ça fait partie des structures qui sont extrêmement importantes. C'est s'auto-instruire. Puis on va revenir à un moment donné sur accepter que les autres vous instruisent. Sans vous sentir attaqué, parce que ce n'est pas à vous qu'on parle. Je dis à Michel, oui, mais t'es encore trop ceci, trop cela. Là, il me dit, oui, mais ça, je le sais. C'est pas à toi que je le dis à ton ego, puis je le dis en l'astral. Il faut qu'on reprogramme. Parce que quand on... Parce que si on se parle comme ça, je suis d'un... Là, c'est clair, là, je suis intelligent dans la discussion, mais tu me parles de choses qui se passent, mettons, quand je suis moins. Fait que là, si moi, je te dis, ben oui, mais je sais... Ça n'a rien à voir. Tu n'auras pas eu besoin de me dire, finalement. Mais c'est ça, mais je ne le dis pas pour que tu le saches. Je le dis pour continuer à replacer les choses en haut. Puis ça, c'est ce qui va arriver souvent. Vous parlez, ou les gens vous le répètent. Même si c'est ce que vous savez, vous devez le laisser dire. Vous devez même renchérir. Parce que là, on place les choses en haut. C'est qu'on parle de quelqu'un. Oui. On parle de moi. On exprime l'intelligence en mécanique. Ça crée plusieurs choses sur lesquelles on va repasser là. Mais ça permet la descente de l'intelligence, ça permet la cristallisation des mémoires instructives au niveau de l'ego, ça permet pas quelque chose du genre. Ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, moi, je vais continuellement... Toutes les mécaniques qui permettent de percevoir au niveau des sens sont des mécaniques qui sont déjà colorées. Quand une personne regarde un arbre, il le trouve beau, d'autres regardent le même arbre, il le trouve laid. La perception est déjà colorée. Parce que ma perception est colorée, nécessairement, déjà en partant, toutes les informations que je vais recevoir, moi, au niveau de la conscience, sont des informations, seront des informations qui seront fausses. Je pense que mon bras est ici, le bras peut être aussi bien là-bas, peut être aussi bien en haut, peut être aussi bien en bas, peut être n'importe où. Bon. Mais moi, je l'ego est informé que le bras est à telle place, ça peut être totalement faux. Et parce qu'à un moment donné, moi, expandant ma conscience intérieure de la mécanique du robot, donc du corps, je vais finir par penser, moi, par voir aussi que le bras est à telle place. Je reste dans l'illusion. J'ai une conscience, mais je reste dans l'illusion. C'est-à-dire que maintenant, je conscientise ce que l'ego perçoit. Mais ce qu'il perçoit est faux. Parce que les mécaniques de perception, les mécaniques de scrutage sont fausses. Tous les scruteurs sont maganés. Alors évidemment, moi, je vais m'organiser premièrement pour être capable de donner des informations à l'ego, donc je réinstruis l'ego. Lui redonnant des informations, ça va me permettre de pouvoir contrôler. Et pour me permettre de pouvoir le contrôler, il faut évidemment que je comprenne sa programmation. Parce que sans ça, je vais lui dire, il fait chaud, puis lui, il s'habille. Et il faut que je sache qu'il est programmé pour que quand il pense qu'il a chaud, il se déshabille. Alors, si je veux qu'il se déshabille, je vais lui dire qu'il fait chaud. Si je veux qu'il s'habille, je vais lui dire qu'il fait froid. Il faut que je connaisse la programmation de l'ego. Sinon, en partant, j'aurai un problème. Maintenant, l'autre chose qui va arriver, c'est que, une fois que je peux jouer avec l'ego, comme par exemple, je dis souvent, est-ce que vous êtes capable d'accélérer votre cœur à volonté? Les gens disent non. Ben, fermez vos yeux, puis imaginez quelque chose qui vous fait peur, le cœur va accélérer. Donc, on est capable. Mais par processus détourné. Bon, et vous avez juste à imaginer que vous gagnez un million, imaginez suffisamment, le cœur va accélérer, tout le système endocrinien va commencer à être assujetti. Donc, on peut le faire, mais par mécanique interposée. Mais là, il faut toujours qu'on soit capable de discerner qui on est de ce qu'on est en train de travailler. C'est pas parce qu'on n'a pas le résultat qu'on a demandé qu'on a manqué notre coup. C'est simplement qu'on est en train d'apprendre à programmer. à gérer un corps, à gérer une structure psychologique, entre autres, corps astral. Alors, ce qu'il faut qu'on comprenne, donc, c'est qu'à un moment donné, une fois qu'on est parvenu à manipuler, à bouger suffisamment la structure pour nous permettre de mettre le bras où on pense qu'on veut l'avoir, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on intervienne pour créer des mémoires d'intervention, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réinstruise suffisamment la structure égoïque pour placer dans sa mémoire, pour changer la ROM, c'est-à-dire la mémoire morte, pour changer ce qui fait que normalement, il réagit de telle ou telle façon devant tel ou tel stimuli. Alors, là, on doit réinstruire. Pour réinstruire, évidemment, il y a la répétition de ce que l'on veut faire. Ça va de soi. Il y a l'intelligentiation de la mécanique, c'est évident. Il y a l'utopisation au niveau de notre vision, c'est extrêmement important. Et nécessairement, au niveau des dialogues. Quand quelqu'un, par exemple, vous répète que vous êtes chialeux ou chialeuse, c'est sûr que vous devez considérer que ce n'est pas vous qui parle. Et lui, c'est faux. Bon. Mais même si vous le savez, on doit se laisser baigner à travers cette structure-là parce que c'est en haut. On vient replacer de l'intelligence dans notre façon d'agir. Autrement dit, c'est que sans arrêt, on ramène en première place les mécaniques que tu devrais changer en premier. Puis quand on parle de les changer, ça veut dire de recréer, de créer de nouvelles programmations au niveau des structures de ton ego. Ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain doit comprendre que présentement, on est en train de prendre contrôle progressivement de différents véhicules et on doit ne pas accepter de supporter l'identification qu'aura la psychologie avec ces véhicules-là. Je dis souvent que quand vous faites une chose que vous ne voulez pas faire ou que vous ne vouliez pas faire, vous dites quelque chose qui a dépassé votre pensée. En réalité, vous avez dit quelque chose qui dépassait votre conscience, pas la pensée. Alors, pendant que vous étiez en train de crier des choses que vous ne voulez pas dire, vous êtes où? Bien, l'humain doit mettre dans sa pratique, inclure dans son vécu. C'est pas ça que je voulais dire. Qui l'a dit? Bien, l'humain doit comprendre, puis doit inclure réellement dans son vécu que si c'est pas ça qu'il voulait dire, c'est pas ça qu'il a dit. Bien, quand on fait une chicane, la personne va dire « Oui, mais c'est ça que tu as dit. » Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est clair, c'est pas ça que je voulais dire. Non seulement on met trop d'importance sur ce que l'autre communique, et non pas sur ce qu'il veut communiquer, parce que ça nous plaît de pouvoir lui prouver qu'il s'est trompé, mais la problématique là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on finit par mettre plus d'importance sur ce qu'on exprime que sur ce qu'on veut exprimer. C'est là que l'humain se fait avoir. Pourquoi? Parce que continuellement, parce qu'on met plus d'importance sur ce qui est exprimé que sur ce qu'on veut faire, ben on finit par créer une fusion dans l'identification. On n'est plus capable de se séparer au niveau de la programmation. On n'est plus capable de se séparer de ce que nous sommes par rapport à ce que nous communiquons. Ça, c'est extrêmement important de comprendre le principe. À un moment donné, toi, tu veux faire une chose, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu es manipulé. Puis parce que tu te fies beaucoup plus sur ce que tu fais, donc sur ce que tu exprimes, que ce que tu es, ce que tu veux faire, ben, tu as l'impression que tu as fait une connerie. Il faut vous identifier à ce que vous exprimez. On doit s'identifier à ce que l'on est, pas à ce que l'on exprime. Vous voulez rencontrer quelqu'un d'important, vous transpirez, c'est pas vous qui transpirez, c'est votre corps qui transpire, c'est pas vous. Si je lui demande, ben transpirez donc là, vous n'êtes pas capable. Vous ne contrôlez pas le système endocrinien qui permet aux glandes exocrines de travailler. Donc, si à un moment donné, vous transpirez parce que vous rencontrez quelqu'un d'important, c'est pas vous qui transpirez. C'est pas vous qui enclenchez la mécanique de transpiration. On doit vivre une dissociation complète entre ce qui est exprimé par rapport aux programmations traditionnelles. C'est naturel pour un humain de transpirer lorsqu'il rencontre quelqu'un que son ego considère comme étant supérieur à lui. C'est naturel. Ça fait partie de la bonne éducation que de se sentir médiocre devant quelqu'un d'autre. Bon, ça fait partie des mémoires, des programmations qui sont reliées au micro-ordinateur qui contrôle le corps physique, la gestion des corps inférieurs, le mental, l'astral, le physique. C'est pour ça que vous êtes. Et on doit cesser de communier avec ce qui est exprimé parce qu'on n'est pas et ce que nous sommes, nous. Ce n'est pas toi qui vis des conneries, tu es dans un corps physique. C'est même pas toi qui vis des conneries. Tu es dans le corps physique, tu chemines avec ça ici, le robot il tape la tête. Donc, tu ne tapes pas ta tête. Là, tu as des informations de douleur. Ben oui, des informations de douleur. Mais là, il faut que tu reprogrammes pour qu'il ne tape plus la tête. Pour le reprogrammer, il faut lui parler. Le langage, il faut parler premièrement le langage des micro-ordinateurs, qui est le langage de l'astral. Écoute mon petit, cesse de te faire tête ses murs, ça te fait mal. ne te rapporte rien. C'est pas parce que c'est un ami. Mais il faut que tu lui parles dans son langage. À un moment donné, il continue. Ben, il faut que tu le punisses, il faut que tu gueules après lui. Puis à un moment donné, il faut que tu sois capable de l'empêcher de bouger. Et tout ça, tu ne peux pas te faire ça d'un coup. Essaye de mettre ton enfant dans sa chambre pour qu'il sorte. Et des fois que l'humain ne peut pas, des fois il peut. Essaye de l'attacher. Des fois, il est trop fort. Des fois, il est bon. Tu ne peux pas tout faire. Il faut que vous cessiez tous de vous associer dans l'identification à ce que vous êtes par rapport à ce que vous faites. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas vous en sortir. J'ai manqué mon coup, j'ai peut-être pas dit ce qu'il fallait, j'aurais peut-être dû être un peu plus intransigeant, j'aurais peut-être dû m'ajuster plus. C'est pas ça que vous êtes. Observez la résultante d'une mécanique, c'est tout. Les prochaines fois, vous ferez différemment, mais à un moment donné, vous allez faire exactement ce qu'il faut. On rationalise pas, puis on psychologise pas la chose, on se psychanalyse pas soi-même. C'est tellement facile. Il faut comprendre les mécaniques énergétiques. Puis quand les individus commencent à essayer de comprendre les mécaniques énergétiques, normalement, ils se font voir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables. Dans ton cas, tu vis ça, puis il y en a plusieurs qui vivent la même chose. Entre ne pas se faire avoir, puis se faire avoir, c'est quoi la nuance? Tout à l'heure, je te parlais du bonhomme qui rencontre le japonais, il salue. Est-ce que je salue ou pas? Est-ce que si je salue, est-ce que je le pitaine ou pas? On va saluer toi ou toi encore. Au pire. C'est la problématique de l'humain qui vit toujours des scissions entre la conscience de l'ego et la conscience de l'intelligence. Des problèmes, des guerres. Écoute, salue selon ce que tu sens que, pas en fonction de ce que tu as appris au niveau des mécaniques. Les mécaniques vont te servir, mais les mécaniques doivent te servir dans la conscience, pas dans la connaissance. C'est important ce que je viens de dire là. Tout ce que l'humain, tout ce que tu sais, ça doit te servir dans ta conscience, pas dans ta connaissance. Donc, tu ne peux pas arriver et rationaliser. Ouais, mais là, si on fait ça, va se passer telle chose, moi, je ne veux pas qu'il arrive. Puis... Là, tu rationalises. Là, c'est par la connaissance de ta conscience que tu bouges. Est-ce que je salue ou pas? Pose-toi la question, sois donc toi-même. Puis si tu es toi-même, même si tu te mets à quatre pattes en avant, il va te respecter autant que si tu n'avais rien fait. Mais ce qui va probablement arriver si tu es toi-même, c'est que tu vas saluer même chose que lui. Puis si toi, tu es le directeur général de la compagnie, puis lui, c'est le propriétaire de la compagnie, tu vas probablement saluer plus bas que lui. Après ça, tu vas lui tendre la main que tu tends toujours en tant que toi. Là, tu t'es ajusté à sa tradition. Et par la suite, vu qu'il est maintenant copain, tu vas l'ajuster à ce que tu es toi. Puis lui, il va te respecter en tant que directeur, ou en tant qu'être humain, ça va dépendre de l'énergie que tu auras rayonné, pas de son intelligence. De toute façon, c'est rendu au niveau d'une compagnie, c'est pas un épais non plus. C'est sûr qu'il peut être gelé, puis encapsulé 3-4 fois. Mais il y a moyen de réveiller ça. Bon, tu peux le réveiller. Où il y aura la problématique, c'est jusque où je t'ai. Bon, mais là, peut-être que j'ai têté. Peut-être que je me suis fait têter. Peut-être que j'ai pas été assez, peut-être que j'étais trop. Peut-être qu'on pourra saluer d'eux. Les maudits problèmes comme ça. Demande d'ajustement. Être soi-même, c'est simple. On a peur de perdre, on perd toute notre vie. Moi, normalement, quand on commence à gagner, on ne veut plus rien perdre. Toutes les personnes vont vivre ces mécaniques-là. Être soi-même, vous n'êtes pas un corps physique. Vous savez. Mais vous en êtes tout un corps physique. Même si vous n'en êtes pas un cosmiquement, fondamentalement, on n'est pas un corps physique. Ça n'empêchera pas de le faire maigrir. Ça ne nous empêchera pas de s'arranger pour le mettre en forme. Et pas parce que je veux être ceci, ou je donne une philosophie de tout ça, ou paraître comme ceci. Simplement parce que c'est plus efficace, ça permet à l'énergie de traverser mieux, ça va me permettre à moi d'être mieux là-dedans. Mais pour rien d'autre. Parce que ça me rapporte. Et ça me rapporte au niveau d'intelligence. C'est parce que c'est pas attrayant, parce que c'est l'ego qui adhère à ça, parce que c'est pas attrayant d'aller vivre dans un corps, ou de vivre un corps qui est le gestionnaire de son intelligence. Exactement comme, là tu parles comme les militaires. J'ai dit qu'un général ne doit jamais se rendre, même à l'évidence, c'est un peu ça. présentement, ce que tu dis, c'est que ça ne sera pas confortable de vivre dans une société où il n'y aura plus de violence et plus de criminels. Tu vas totalement être régi par les gens de paix. Ça ne sera pas confortable. Ça va être laid, ça va être pas correct. Même la police pourrait penser ça. Parce qu'on n'aura plus besoin de toi. Mais ça fait d'autres choses. C'est parce que la notion du plaisir que l'ego veut avoir, oui, mais c'est disparaît. La notion du plaisir ne disparaît pas. C'est la façon dont il s'alimente qui disparaît. Si toi, tu es policier, si toi, tu, à un moment donné, il n'y a plus de voleurs, il n'y a plus de crimes, il n'y a plus de problèmes, on n'a plus besoin de policiers, on a besoin peut-être d'ambulanciers, de sapeurs-pompiers, besoin de... Bon, plus besoin de toi. Ben, tu ne pourras plus t'alimenter de la même façon. Alors, tu vas tout faire pour qu'il continue d'y avoir du crime. Mais si, par contre, tu es suffisamment déjà écœuré de cette alimentation-là, c'est facile, tu vas dire, ben, il n'y a aucun problème, c'est intelligent qu'on en arrive là. Il y en a un paquet avec qui tu travailles qui ne trouveront pas ça intelligent. Eux, ils ne diront pas qu'ils sont intelligents. Ils vont dire, ça ne se peut pas. C'est impossible. Ça n'arrivera pas. Il ne faut pas que ça arrive. Puis tous nous autres, ça n'arrivera pas. C'est ça. Exactement. Mais parce que l'ego va s'alimenter d'une autre façon, mais simplement le changement. L'ego, il est bâti pour être capable de supporter de la stabilité. Le moindrement qu'il y a de l'instabilité, ça équivaut à de la souffrance. N'importe quelle instabilité, que lui-même appelle ça bénéfique positif, c'est qu'il va de souffrance. Regardez combien de temps ça a pris juste pour qu'on accepte de changer les dollars en papier en dollars de métal. On ne changeait pas grand-chose dans la tradition humaine, là. Mettre un casque en moto, ça sauve des vies. C'est prouvé depuis longtemps. On décide de le faire mettre. Tous ceux qui ont l'habitude traditionnelle de ne pas en mettre, protestent. C'est pas une question d'intelligence. Les ceintures de sécurité, c'est la même chose. Ça sauve des vies, beaucoup plus que ça en tue. Ça sauve des blessures, beaucoup plus que ça en cause. Ça a pris des années, des années, des années, des années. Mais à un moment donné, tout le monde devient intelligent, il faut qu'il y ait des ceintures avec des baudriers en avant. À un moment donné, on veut l'imposer en arrière. Alors, ça recommence à chier. Pour des choses intelligentes. Ce n'est pas une question de dire que l'ego meurt ou etc. C'est simplement qu'il faudra qu'il s'alimente autrement. Et l'humain est toujours contre les changements. L'essence sans plomb, c'est en Amérique qu'on a été les premiers à l'employer. Mais ça fait chialer plein de monde. Mettre des pots catalytiques pour catalyser les réactions chimiques à l'intérieur des gaz d'échappement. Puis après ça... pas se tromper quand tu mets l'essence à la pompe. On le fait pas mal, nous autres, c'est dangereux. Alors là, ils ont dit aux gens, faites-vous en pas, on va faire des trous tellement petits que l'essence, la ligne, le tuyau d'essence avec plomb ne pourra pas rentrer dedans. Bon. Mais ça n'a pas été long que ça rentrait quand même. Paquet de problématiques. Les changements. Dernièrement, la ville de Montréal a essayé une essence, une huile au colza pour les véhicules diesel, les autobus. Ils vont l'essayer. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'ores et déjà annoncé? C'est qu'ils vont essayer ça 6 mois. Et si c'est concluant que ça ne pollue pas et ça fonctionne bien, en France, ils l'ont déjà essayé, c'est concluant, fort mieux pour leur diesel, concluant pour les nôtres. Si c'est concluant, bien, ça ne pourra pas être en service avant 5 ou 10 ans. Alors là, on se demande, si c'est concluant, on ne s'en servira pas. C'est pas si ça fonctionne. Non, on est sûr, ils savent que ça fonctionne. Mais si c'est concluant ici, ce ne sera pas en service avant 5 ou 10 ans. Ça ne pollue pas, ça augmente pas l'effet de serre, puis c'est impeccable. Le changement. Juste le fait de penser dans la petite tête des serveurs à la pompe qui mettent de l'huile végétale dans l'autobus, il faudrait qu'ils fassent une grève quelque part. Là, on va dire, non, c'est parce qu'il y a des pétrolières qui veulent garder leur monopole. Sérieux, c'est même pas ça. Les pétrolières se fendent derrière pour arriver à exploiter. Le méga-projet de la grosse plateforme est quasiment abandonné. Hein, y a des compagnies qui sont retirées. Ils ont des problèmes d'approvisionnement. Ils vont acheter en Arabie Saoudite, mais ils vont faire la guerre après ça là-bas pour empêcher qu'ils perdent leurs sources. Ils achètent donc des champs et cultivent donc le colza. Alors, ils vont être les premiers pour avoir des usines de raffinement. Ils vont pouvoir ajuster ça. Ils vont continuer à vendre. Il n'y a personne présentement qui veut mettre les multinationales pétrolières à terre. Ce qu'on aimerait, c'est cesser de polluer et prendre des ressources énergétiques pour renouvelables. Eux autres ont l'argent, ils ont l'argent, ils ont la technologie, ils ont le génie. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on peut forer un puits d'huile qui se colle ça? On peut pas, ben. On peut, est-ce qu'on peut forer un plan de colza de bord? Ça, mais c'est le problème. Les super pétroliers, ben, ils mettront de l'huile de colza. C'est niaiseux. La problématique n'est pas là. La problématique, c'est pas qu'on va tuer les gonds. Même dans l'ère nouvelle, il y a de la place pour les structures astrales. Elles ne sont pas les mêmes. C'est évident, les parties de toi qui aiment taper quelqu'un ne sont pas les mêmes. Bon. Les choses vont changer. Alors, c'est pas une question de destruction de l'ego, c'est que l'ego pense que l'ego, mais c'est pas une mutation, il y a toujours une limitation. C'est simplement au niveau du changement. Parce qu'il y a du changement, il y a friction, il y a peur, il y a uniquement le changement. Va dans n'importe quel pays où ils ont des problèmes, ça amène leur le changement. Les Esquimaux, on appelle ça Inuit aujourd'hui. Inuit veut dire homme. Esquimaux veut dire mangeur de viande crue. Esquimaux, c'était un terme péjoratif qu'on donnait, que les missionnaires ont donné à ce peuple-là, en langage inuit. Parce que vous savez, Apache veut dire homme debout. Bon. Dans la majorité, Algonquin veut dire homme, être. La majorité des termes indiens, amérindiens, désignent l'être. On les appelait Esquimaux. Ils mangeaient de la viande crue, ils passaient la moitié de leur année à vivre dans une maison de ce qu'on d'eau gelée, localisée, avec de l'air, de la neige. Alors, ils faisaient des aiguilles. Ben, ils allaient à la chasse au phoque. Quand ils manquaient leur coup, ben, vous savez, ils étaient bon. Et puis, ils allaient à la chasse à l'ours. Ils étaient pas. Et puis, ils allaient à la... Bon. Et puis, à un moment donné, ils se dressaient, etc. Et puis, quand c'était l'amour, ben là, ils se couvraient de graisse. Hein. Ben, c'est sûr. D'ailleurs, il y a eu un gros problème. Souvent ici au nord, parce qu'à un moment donné, les Blancs, quand ils ont commencé à plaire aux Esquimaux, les Esquimaux leur prêtaient leurs femmes pour coucher une nuit avec. Mais la femme était toute graisseuse, elle se couvrait au cochon, de l'huile de pâte, ça pue. Puis le Blanc ne voulait pas, puis c'était des insultes de sale, etc. C'est normal qu'ils se couvrent, imaginez, ils vont faire l'amour, ils ne peuvent pas faire s'habiller qu'il y avait qui montent pour eux. Alors qu'ils s'habillent comme tout le monde. Ils vont geler, se couvrir, comme slip-up. Ils ne gèlent pas. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme blanc est arrivé là-dedans. L'homme blanc a dit, bon, ben, on va vous faire des maisons. Il a voulu les instruire. Il leur a fourni des maisons. Là, les Esquimaux des maisons, ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, écoutez, ils faisaient des tout dans la maison. Ils montaient le temple dans le salon. Puis là, ils faisaient brûler des chaises pour se faire chauffer. Ils cuisinaient encore du croche travers. C'est quoi le problème? On tue leur ego. On tue leur tradition. Les traditions qu'on fait, c'est les traditions véreuses. C'est pourquoi ils se battent. Qu'est-ce qui était le problème? C'est le changement. Mais là, tu ne gèleras plus l'hiver. Je ne gèlerai plus l'hiver. Hier. Je veux l'hiver, je veux avoir des engelures. Tu n'auras pas besoin de passer ton temps à chasser puis de partir 2-3 mois puis de laisser ta famille. Hein? Pogné avec ma femme. Elle est longue. Le changement. Les traditions sont toujours véreuses. Pourquoi? Puis c'est pas au niveau de l'ego. Les changements, on adapte les choses. L'humain veut pas changer, C'est simplement le changement. Il y en a encore aujourd'hui qui revendiquent des territoires de chasse. Ils vont aller à la chasse. Voyons. Ils vont plus. Le dernier, Lavagne, il a fait une démonstration de tir à l'arc pendant la crise d'Oka. La terre est pas battue ici, il n'avait pas accordé comme tout le monde, hein? Tradition, c'est un territoire de chasse, c'est un territoire de pêche, c'est une pêche à dynamique. Quand il y en a plus, c'est à cause des Blancs. Je parle pas contre les Amérindiens, je parle des traditions. Je donne un exemple. Les Blancs, ils ont leur même maudit tradition. C'est le changement. Vous ne voulez pas bouger pour le changement. C'est pas parce que ton égo va être malheureux. Tu as commencé à manger de la nourriture moins toxique. Ben, au début, ça goûtait ce que ça goûte, hein? Ça goûte rien. Ça goûte l'eau. Et tu vois, d'une place qu'eux autres, ils veulent manger végétarien. Mais mauvais pour la santé, mais végétarien, ça goûte des épices. Ça Parce qu'il y en a qui pensent, c'est le moment que c'est végétarien, c'est bon pour la santé. Même si tu mets des épices, ça fait que tu s'ennuies et tu brûles carrément. Ça a commencé. Au début, c'est problématique. De plus en plus, ça va. Mais l'ego, c'est le plus grand frein au goût. C'est même pas le corps. C'est juste le changement de ça. Et ça va l'humain, il faut qu'il change. Peut-être avoir peur au changement. Qu'est-ce que tu penses, c'est là? L'humain a une très grande capacité d'adaptation, mais du moment qu'il s'est adapté à d'autres choses, après ça, il peut fuser ça pour ne pas avoir... Quand on dit que l'humain a une grande capacité d'adaptation, l'humain ne s'adapte pas rapidement. L'humain s'adapte, veut pas, quand il n'y a pas le choix. Et quand on dit une grande capacité d'adaptation, c'est que l'humain n'a pas un grand vouloir d'adaptation. C'est que prends-le, puis il va de n'importe où, il va s'adapter. Il est bien malheureux pendant l'adaptation. Une fois adapté, ramène-le. Il va chialer autant. Ah, c'est ce qu'il y a. Il était bien mieux là, puis il était... Mais. Toujours. Adaptation. Prends un jeune qui est dans une famille où on le bat, qui est dans une famille d'accueil, il ne sera pas plus heureux. Très, très rare. Faut que tu aies des adultes qui vont te le réinstruire d'une façon très subtile. Parce qu'il n'y a rien à faire. S'il va continuer à avoir l'impression qu'il est dans le même, il n'y a rien à faire. L'humain ne s'adapte pas au changement. C'est ça qui est le mot du problème. Pour faire changement, je peux poser une question? Donc, la phrase est manquée parce que c'est pas une question, c'est une autre. Ah. Après 2 années de recueil d'informations sur différentes mécaniques qui amènent l'homme à vivre une conscientisation, je me trouve à vivre constamment un négativisme qui me rend névrotique et qui m'épuise de plus en plus. Ce karma est-il seulement généré par ma programmation astrale et où il est amplifié de l'extérieur? Merci. Une question astralisée, il y a même un pied en l'eau, c'est bon? On arrête, hein? Il serait de grosses moustaches, je pourrais vous interpréter ça, bon. Je dis souvent que je n'ai rien contre le fait que vous vous écœuriez, mais il ne faut pas vous déprimer. La personne, est ce qu'elle vit, c'est ce que la conscience amène. Les premiers symptômes d'une personne en conscientisation, c'est l'écœurement, donc la frustration. Si la personne n'est pas capable de supporter cette frustration-là, ça peut créer ce que la personne nous parle présentement, ce qu'elle a écrit là-dessus. C'est un karma qui est relié à la collectivité, qui fait partie de ce que la majorité des personnes vivent. Tout le monde vit ça en fonction de ce qu'il est, évidemment. On ne vit pas tous la même intensité. Alors, ceux qui n'en vivent pas, il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. Ceux qui en vivent plus, il ne faut pas qu'ils se sentent différents non plus. Ce n'est pas les individus. Le gros du problème, c'est que tant qu'on n'a pas compris clairement que le fait d'avoir de la conscience ne nous donne pas de libre arbitre, pas tout de suite, et si on n'a pas compris ça clairement, il y a des fortes chances qu'effectivement on vit une forme de dépression puis de névrose. Névrose, pour certains, le mot est gros, pour d'autres, c'est correct. C'est des mots tabous, on va dire. Pas. La personne qui arrive, c'est qu'elle a de la conscience. Sa conscience, elle comprend. Elle appelle. Une fois, j'étais avec un de mes amis, on était en train d'écouter un film. Un film intéressant. Et puis, après 30 secondes, on se regarde tous les deux et on dit, c'est possible d'être une planète comme ça. Parce que là, le film était correct, il montrait ce qui se passe à la vie dans la vraie vie. Qu'à chaque 15 secondes, on avait un commentaire à dire. À un moment donné, ben là, c'est ce qu'on s'est dit, j'ai une chance qu'on est équilibré. Parce que là, depuis une demi-heure, on s'abombe le suicide pour les deux, là. Vous n'appartenez pas à ce monde. On est là entouré. Vous devez absolument cesser de demander, d'exiger que l'extérieur soit beau. Ça n'a rien à voir à l'extérieur. Vous devez vous organiser pour être intelligent. Exprimer ce que vous êtes vous à travers n'importe quel foutu contexte. Là, vous serez prêt et prêt. Là, il va se passer des choses. Mais si on a besoin d'un extérieur particulier pour être quelqu'un de particulier, on est totalement collectif. Et c'est ce qui est dangereux, à travers la conscientisation. C'est que plus la personne devient consciente, plus elle se rend compte de ce qui se passe. C'est la truc. C'est pourquoi l'humain doit s'arranger, les personnes qui se conscientisent doivent créer des alliances. C'est pourquoi il existe le groupe de synergisation Genesis, c'est pourquoi il y a des individus qui se rencontrent de temps en temps, c'est pourquoi il y a des fins de semaine de temps en temps uniquement pour que les gens puissent se rejoindre un peu. C'est pourquoi il va y avoir de plus en plus de choses qui progressivement vont être installées dans le but de permettre aux personnes d'arriver à vivre de leur intelligence. Mais on ne peut pas changer, on ne peut pas penser. Imaginez, moi je serais capoté depuis longtemps si j'avais regardé le monde avec les yeux d'un égo. La stupidité, là, il n'y a que ça. L'amour, il n'y en a pas. Puis on peut s'en parler plein de tout de reste. Mais ça, c'est parce qu'on est dans un contexte où on dépend de l'extérieur, un contexte collectif. Vous devez être vous-même, vous opinionniser, puis l'énergie de la névrose, conservez-la. À un moment donné, vous allez être capable de la canaliser uniquement vers le fait de percer quelque part. Il ne faut pas rester limité par l'extérieur pour savoir ce qui nous arrive. Plus vous allez être conscient dans les premiers instants de la conscience, plus vous allez être frustré. À différents niveaux, je le répète. La conscience n'amènera pas de débarbite pour l'instant, tant que vous ne pourrez pas totalement être capable d'exprimer votre savoir, pas le communiquer à tout le monde, et de le laisser sortir à travers vous, vous ne pourrez pas développer la deuxième expression de l'intelligence mentale, qui est la volonté. Quand on commence à exprimer la volonté, on commence à réincarner des phénomènes qui viennent de l'avenir et qui sont pas mal plus intéressants. Mais c'est évident qu'on doit faire attention pour ne pas se névroser. Une névrose, c'est pas grave. Là. On sait que ça peut être une névrose. Sauf qu'évidemment, c'est des problématiques. Problématique uniquement parce que vous continuez à vous associer à l'extérieur. Je parlais dernièrement avec une psychologue qui me disait que elle ne veut pas sauver le monde. Elle n'a rien à foutre du monde. Puis dans le discours, à un moment donné, ben, tout ça chiant a maudit que l'humain soit encore aussi épais. Puis je dis, regarde, là, t'as agi exactement comme une personne qui veut sauver le monde. Même si tu passes ton temps à prétendre que non. Pourquoi? Parce que tu trouves épais, puis que le monde, bon, ben, tu pourrais faire de quoi tu ferais. Elle dit non, elle met son énergie là-dedans pour sauver le monde. Sa colère est placée là-dedans. Au lieu d'observer la stupidité, la conserver. L'écœurement est un plaisir. Sauf que tout le monde a appris que quand on était écœuré, il fallait qu'on soit déprimé, il fallait qu'on soit malheureux. Pourquoi être écœuré? L'écœurement, c'est un plaisir, c'est de l'énergie. Au même titre qu'une bonne tasse de thé, une bonne tisane. C'est de l'énergie. Si vous recherchez l'écœurement, vous ne fonctionnera pas. L'écœurement qui se passe, c'est une délectation au niveau de votre intelligence. C'est la preuve de votre intelligence. C'est pas la preuve que vous êtes faible. C'est une réaction tout à fait logique et naturelle de la descente de l'intelligence dans un contexte qui n'est pas approprié. Mais le contexte qui n'est pas approprié, c'est pas l'extérieur, c'est vous. Quand vous allez devenir approprié à la descente de l'intelligence, vous êtes dit, j'aurais pas que le chien du voisin chie ses crottes dans une poulette. Très bien. Ça ne dépendra pas de l'extérieur. Ça va dépendre de vous. J'ai déjà fait un PMC plus sur le syndrome de l'électron. L'humain agit comme un électron. L'électron se promène, il y a un petit champ électromagnétique ici, ça le dévisse. L'humain réagit à tout ce qui l'entoure. Faut cesser d'être comme un électron. Vous en allez ou vous en allez? Tout. Mais l'humain est un électron, il s'en va comme ça, d'un bord puis de l'autre. Vous marchez sur la rue, quelqu'un dit, tiens, tu sais comment il est? Tu te poses des choses en dedans. Oui, automatiquement. Syndrome de l'électron. Vous êtes sur un contexte extériorisé, on parle d'une planète. Puis laissez-le faire ce qu'ils font. L'humain est manipulé, oui. Bonne raison pour vous faire manipuler à être névrosé que l'humain est manipulé. On se centre sur soi, on ramasse ses propres énergies, on les concentre, on rencontre des gens qui sont de notre calibre pour pouvoir jaser. Pas se plaindre, on ne peut pas des synergies plaintes en groupe. Là. On l'utopise. Et si on veut parler des choses qui sont pas correctes, on doit en parler mentalement. de façon presque colérique. On ne crie pas, on ne gueule pas. On parle, énergétiquement. Puis on se fait une opinion, on ne répète pas nécessairement les choses, on peut répéter pour reprogrammer, mais c'est mieux d'arriver à s'opinionniser. Tu vas t'organiser pour connecter certaines personnes avec leur ajusteur de pensée à un moment donné. Mm-hmm. Cette connexion sera-t-elle permanente? Oui. Ah oui? Oui. Permanente. Vous voyez comment c'est? C'est pas juste lui, là! Est-ce que ça va être permanent? Oui! Permanent! Comment puis-je faire partie de ces personnes? En fait, vous en pas. Quand je vais voir qu'il y en a un qui est tout prêt ou que ça va, vous allez m'écouter en masse, là, moi, les sauter dessus. Je vais faire ça dans les conférences du mois, probablement, ça ne fait pas de place, mais... Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est drôle, moi, il est jamais venu. Il est branché, le tien. C'est que je te le range jusqu'au mollet. Mais c'est sûr qu'il y en a qui sont... Mais par contre, il y en a d'autres que je vais aller réveiller un peu au niveau de la résistance. Il ne faut pas que vous ayez peur. Puis les gars, on n'a pas peur, on va s'amuser. C'est pas de martyrisation. Il va y avoir de l'énergie, par exemple. Tout à l'heure, on a juste parlé, puis là, j'ai pu voir tout de suite. Il y en a quelqu'un tout de suite, là, qui regarde le résistance. De pouf! Pourquoi? Oui, ça va être permanent. Ben, je demande pas ça pour moi. Permanent, c'est pour lui. Mais permanent, c'est pas pour lui. Connais-tu ça que du monde qui ont tellement peur de se faire avoir eux-mêmes? Qui ont inconsciemment peur d'être capables de se regarder si un jour ils découvrent qu'ils se sont trompés. Ben, je sais de qui tu parles, là. Bon, il y en a au moins un. Mais il y en a plein d'autres. On est dans un monde d'illusions. Prenez l'illusion la plus logique pour vous, la plus intelligente. Mais cristallisez-la pas. Souvent, une main décroche tout juste avant de réussir. Lorsque l'on réussit à dépasser cette étape critique, est-ce une forme de volonté supplémentaire? Ben, pas nécessairement. C'est quoi? Ça peut simplement être parce que c'est le temps. J'ai fait une colère mentale afin de cesser de... afin que cesse des manipulations bien précises et depuis bien que le phénomène soit moins présent, il demeure tout de même et se manifeste de temps en temps. J'ai promis à l'astral de riposter sévèrement comment livrer la marchandise de façon efficace. Je vous ai dit de façon intéressante, vous achetez un chat, puis là vous le décartonnez en gueulant après la salle. Ça, c'est pas livrer le produit. Mais c'est pas trop efficace. Ça, c'est de la magie. Mais non, ben oui, c'est toujours de la magie, mais ça fonctionne, on parle de langage de la salle. Tiens, mon esprit, comme c'est le chat, je le vois. Mais on peut faire mieux. La colère mentale douce, c'est justement ce qu'elle permet. Elle permet de... parce que la personne, là, c'est facile, elle a fait un cheminement, elle a fait une colère mentale, ça l'a atténuée. Pourquoi? Parce qu'on vient pas, c'est plus la chaleur. À l'intérieur d'elle, le virus est déjà là, continue. Ça, c'est une colère mentale douce qu'il faut faire par éclairer ça. Alors, c'est la meilleure façon, parce qu'à un moment donné, ça va coûter cher de chat. Bon. Même si on dit que Jésus descend parmi nous, c'est pas... raison de prendre des chats. Mais la personne par la colère mentale douce, c'est-à-dire par le travail à l'interne. Parce que ce qui arrive présentement, c'est qu'on coupe avec les mécaniques et vous en avez encore chez vous. Que c'est ça qui est déboîté. C'est ce qui, normalement, fait qu'à un moment donné, on va vous reconnecter à ce que vous aviez éclairé. C'est sûr qu'un jour, vous n'aurez plus besoin de colère. Mais tout le monde, colère mentale ou pas, vous allez finir par être bien. Sauf que ça va être plus pénible en attendant. La colère mentale douce, c'est ce qu'elle fait. C'est une colère mentale qui est relativement virulente, puis après ça, tu travailles à l'intérieur. pour parvenir à alléger, à éliminer les fardeaux internes qui ramènent continuellement la saveur de la manipulation au niveau de ta conscience et qui t'oublient plus ou moins encore à te charrier. Puis parce que tu te refais charrier pour créer de l'expérience, recréant des expériences, il faut te reconnecter, mon ami. C'est mieux que d'acheter un chat. Depuis peu de temps, j'ai l'impression de disposer d'un char à bœuf lourd et qui s'ébranle lentement. Il est clair que cela correspond à ce que tu expliques aujourd'hui. Est-ce que cela sera transmuté en vaisseau séraphique ou... L'autre... Ok, mais c'est pas important. Même si c'est qui, merci. Ça fait partie des choses que vous allez savoir vous-même tout à l'heure. Parce que présentement, je ne parle pas uniquement au niveau de la question de la personne. Premièrement, il y a des questions qui vont servir uniquement à l'ego, c'est-à-dire que ça permet à l'ego de se sécuriser. Question, ça, je ne peux pas répondre. C'est dangereux. En plus, ça trouve des parties de l'ego à un maître. Mais pourquoi non plus? C'est pas important dans le sens que ça va arriver, il va arriver ce qui va arriver là-dedans. Présentement, le gros, énergétiquement, c'est intéressant de pouvoir répondre à une question comme ça lorsque la question n'est pas posée. Pourquoi? Parce que si la question n'est pas posée par une personne particulière, la réponse ne vient pas énergiser un ou deux ou trois égos. C'est intéressant énergétiquement d'élaborer là-dedans parce que ça permet de descendre de l'énergie, ça permet aux individus de s'énergiser, certains de s'énergifier. Sauf que si on a une question directe et qu'on répond comme ça, c'est plus intéressant. Pourquoi? Parce que l'énergie va être astralisée, ça va servir des égos. Bon, j'ai l'impression de vivre ceci, de vivre cela. Parfait. Est-ce que c'est un signe que je vais être sauvé? Là, on ne répond plus. Là. Si on dit non, ça plante l'ego qui va siphonner l'énergie qui va vivre une vie d'illusion. Si on dit oui, ça plante l'ego qui va siphonner l'énergie et qui va vivre une illusion. Et on ne répond pas. Mais là, je veux que vous compreniez la... Quand vous allez voir des questions comme ça germer chez vous, parlez-lui. Parlez-lui à l'ego. Bonne question. Elle n'est pas nutritive. Si j'en parle en conférence, c'est nutritif, mais pas en tant que question. La réponse ne peut pas être nutritive du point de vue de l'intelligence. Elle l'est du point de vue astral. Donc, c'est pas ça. Ça, c'est... Question qui attend une confirmation. Quelle est la différence entre la signification des mots « optimisé » et « pognonisé » ? L'opinionisation, c'est... l'expression solide pour soi-même de ce que nous sommes. La politisation, c'est le rayonnement extérieur de ce que nous sommes. Pourquoi on doit s'opinioniser avant de se politiser? La politisation, c'est la capacité de permettre la communication de ce que nous sommes par les voies de manipulation collective dans le milieu où on est. On va vous respecter. Est-ce que vous pensez telle chose? On va le dire. L'opinionisation, c'est la capacité qu'on aura, nous, de nous accepter nous-mêmes, d'avoir une opinion solide et droite, debout, de nous-mêmes. Au départ. Une personne ne peut pas être politisée si déjà en partant chez elle ne se parfume pas. L'opinionisation, c'est au départ d'être capable de reconnaître qu'effectivement, nous sommes réincarnationnels. Mais là, il y a des égos, comme tout à l'heure, je disais, qui vont dire « Ouais, mais... » Parce qu'ils ont tellement peur de découvrir dans 15 ans qu'ils se sont trompés quelque part dans leur jeunesse, qu'ils ne sont plus capables de se regarder dans un miroir, qu'ils ne pourront pas s'opinioniser. Vous réincarnez des choses. À un moment donné, vous digérez la réincarnation, donc vous ne réincarnez plus d'un tel ou une telle. Mais vous savez, vous êtes la constitution de processus réincarnationnel. C'est une opinion. Si on vous pose une question, elle répond. Mais au départ, pour vous, c'est réglé. Ça, c'est une opinion. L'opinionisation, c'est la certitude absolue d'être sûr de ce que l'on sait. Oui, mais je peux me tromper. Ça, on s'en fout. L'opinionisation, c'est pas d'avoir la vérité absolue. c'est d'être sûr qu'on est sûr. C'est la certitude. À travers les concepts, alors, c'est pas grave, c'est la certitude, là, de l'opinion. La politisation, c'est quand on a commencé l'opinion à être véhiculée à travers les lois de la politique, donc des manipulations des masses, par le rayonnement. Ça, c'est la politique. Est-ce que le... Qu'est-ce qui est le plus laid chez l'humain? Vu qu'on... Que les gens partent tous déprimés? Non. Ça, c'est typique, hein? C'est pas qu'est-ce qui est plus beau ou ce qui est plus laid. Non, mais c'est parce que tout à l'heure... Je comprends, mais... Je trouvais pas. Mais c'était laid chez toi? Oui. C'est à vous de le trouver. Vous allez l'apprendre. Et quand vous l'apprenez, vous vous en servez plus. Enfin, je vais le dire. C'est autre chose. Mais la question fondamentale, c'est surtout dans l'intelligence. Dis-moi donc qu'est-ce qui est laid à un point tel que tu le caches. Bon, mais c'est ça que je vais poser comme question. Bon. Bonjour. Tu es capable? Non, parce que c'est pas clair. Dans l'intelligence, qu'est-ce qui peut être laid? Je peux pas voir. Et s'il est laid dans l'intelligence, pour moi, il n'y a rien de laid dans l'intelligence, pas plus qu'il n'y a rien de beau. C'est réglé d'abord. Je comprends pas. La feuille, est-ce qu'elle est rouge ou jaune? Ah, là, tout le monde se marie que je suis rouge, ta branche, puis tu es rouge, tu es jaune. Ben, moi, je dirais qu'elle est blanche, là, mais es-tu rouge ou tu es jaune? C'est compliqué dans ta branche, là, c'est des heures et des heures et des mois et des vies. Un blanc, un noir, un noir. La question, est-ce qu'il est rouge ou jaune? Ben, elle n'est ni rouge ni jaune. Ah, ça met un peu du temps, mais... Qu'est-ce qu'il y a de laid dans l'intelligence pour que vous le cachiez? Rien? Pourquoi vous le cachez? Ah, j'ai été faible. Dernièrement, je parlais avec un ami qui est en train de faire son devoir. Là, il y a une question, c'est trouver les verbes qui sont dans les phrases et écrivez-les. Première phrase, il y a quatre lignes en dessous. Allez, regarde. Ça, il y a un mot du problème. Il trouve trois verbes. Il y a quatre lignes. Ben, il y a écrit trois verbes, finalement, mais ben là, il y en a qu'un quatrième. Après ça, deuxième phrase, deux lignes, deux verbes, il en trouve deux, parfait. Troisième phrase, ça va. À un moment donné, ben là, on regarde juste son devoir un peu comme ça, puis là, il dit, écoute, c'est pas un verbe, ça. Ah oui, mais il n'y a pas d'autre dans la phrase. Mais c'est le même qu'on est, tout le monde. C'est plus intelligent. Ben oui, le professeur a dit qu'il y avait autant de lignes qu'il y avait de verbes. Puis si c'est un épais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer toute ta soirée à chercher un verbe que quelqu'un n'a pas. Tu vas en inventer un. Ben oui, mais il a dit, je te dis pas ça. Toi, t'es-tu intelligent? T'es pas capable de regarder et de te dire, ben écoute, ils ont dit que ça est égal à ça, mais crème, c'est pas ça, donc ils sont trompés. Tu peux pas penser qu'ils sont trompés. Tu peux pas penser qu'il y a une ligne de trop. C'est tellement banal. Ça fait n'être que dans la vie. Moi, mais si je me trompe, tu seras pas forcé au moins. Tandis que là, si t'en mets un truc, tu te trompes, t'as pas ta soirée à te tromper. T'as forcé de te tromper. Il y a trois verbes, il y a quatre lignes, tu mets trois verbes, ça finit là. Si ton facteur se regarde, ça c'est un verbe, en fait, ça va le faire de la vie. Facile! Mais non, il bon, ça même mot de papa, papier, c'est rouge ou vert, mais non, c'est tout le monde a plus blanc, là, tout le monde est là, je cherche à comprendre. C'est tellement. C'est, avoir une opinion, c'est ça. C'est déjà cesser de faire un devoir, puis c'est du sport. Le professeur a dit ça. Bravo! N'empêche que deux pour pas cinq. Ça casse. C'est ce qui n'a pas compris, c'est ça rien à voir. C'est intelligent. Casser. Ça fait goûtant. Bonne fin de journée.